avance impiété disparaît dans tous les coins et dans les plus belles fêtes. Après Biguine, avant Mazou, en basse créole, c'est ça qui était plus doux. Ces vieux Coat et Cali, ces Babio, ces jeunes gens, et Carouf et Zélio, ces belles dames-là, pour la rouvant, et qu'à glisser dans la mer tout bonnement. Oui, dans le temps passé, seul bagage qui était douce et valsé. Grand-maman, grand-papa, des catounins qu'on profite à bien. Puis dans le